Bonjour à tous. Je vais vous inviter à prier avant de commencer. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te remercie pour parce que tu es un Dieu bon, tu nous permets d'être réunis pour te louer, pour te prier. Je te remercie pour ces temps d'adoration. Je prie maintenant pour que tu puisses nous toucher par ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses m'aider à dire des choses qui soient fidèles à ce que tu veux. Je te demande pardon si mes propos sont peut-être pas tout à fait à ta volonté, Seigneur, d'avance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de donner un message sur un thème en particulier. C'est la prière communautaire. Alors la prière communautaire, c'est en fait en gros la prière en communauté. Quand on prie en groupe, comme on l'a fait à l'instant. Et je m'excuse d'avance parce que peut-être que mon message va vous paraître différent de ce que je fais d'habitude. Je m'excuse d'avance parce que d'habitude, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre un texte et vous l'exposer et suivre un peu, donner le contexte, les idées de ce texte et tirer un peu les leçons que l'on peut tirer de ce texte biblique. Et là, aujourd'hui, mon message, en fait, ça tournera autour de la prière communautaire. Et j'ai pas trouvé de texte sur lequel je me pose dessus et je vous fais tac, tac, tac, 1, 2, 3, voici les points à retenir, voilà le contexte, voilà les encouragements à retirer. Donc mon message, en fait, c'est sur la prière communautaire. J'aurais pu faire 3 points à suivre pour bien mener une prière au sein de la communauté. Et puis, pourquoi 3 points ? Pourquoi 3 points ? Pourquoi peut-être pas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on ne sait pas. Et peut-être que, en gros, ce que je vais vous dire là, c'est que je vais vous donner quelques clés, enfin quelques idées, mais elles sont pas, c'est pas toutes les clés, c'est-à-dire j'en ai choisi quelques-unes. Donc peut-être que je vais en oublier, peut-être que ça va vous choquer que j'oublie certaines clés, certaines choses. Je m'excuse d'avance. Voilà. Alors dans notre série sur les moyens de grâce dans l'Église, nous allons voir aujourd'hui la prière communautaire. On est tous d'accord, je pense, la prière, elle est vitale pour le chrétien, comme la lecture de la Bible. Lire la Bible est aussi important que de manger. On dit souvent que la Bible, notre lecture de la parole, c'est notre nourriture, c'est le pain du chrétien. Et la prière, il faut savoir qu'elle est souvent comparée à la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, en gros, c'est un chrétien qui est en apnée. Dans la lettre 1 Thessaloniciens, Paul encourage à prier sans cesse. La prière devrait être aussi naturelle que la respiration. Et c'est par la prière que nous parlons à Dieu, que nous développons notre communion avec lui, que nous développons notre confiance, notre dépendance et notre amour pour lui. Alors nous avons de nombreuses raisons de prier. On peut prier pour louer Dieu, glorifier, le remercier, confesser nos péchés, se repentir, lui demander de l'aide pour résister à la tentation, exposer nos besoins, exposer les besoins de nos frères et sœurs, exposer les besoins, peut-être intercéder même pour le monde. Il serait faux de croire que la prière est uniquement réservée dans un cadre privé de manière individuelle. L'Église primitive, dans les Actes, avait l'habitude de prier ensemble. On peut lire dans Actes, dès le début, le jour de la Pentecôte, il y a 3000 convertis et ensemble, il est écrit dans chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et là, donc, dans les prières, voilà, l'importance des prières en communauté. Et je vous propose de voir en fait si les bienfaits de la prière en communautaire et également les dangers, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque l'on prie en communauté. Le premier bienfait, je pense, c'est l'unité. Aujourd'hui, lorsque les frères et sœurs se réunissent dans un lieu, ensemble, généralement, le plus souvent, c'est pour célébrer un culte à Dieu. Et lors du culte, on peut s'apercevoir que la prière, elle est centrale. On commence par une prière dite de consécration pour dédier le culte à Dieu. Puis on adresse une prière dite d'adoration qui est parfois accompagnée d'un psaume pour louer Dieu. Il peut y avoir une prière de repentance où nous nous rappelons que nous sommes tous pécheurs, mais que Dieu nous accorde la grâce d'être pardonnés. Ensuite, il peut y avoir... juste avant que l'orateur prêche, la prière d'illumination. La prière d'illumination, c'est la prière que l'on fait pour que tous nous soyons attentifs et que nous comprenons bien la parole et que nous l'appliquons, la recevons dans notre vie. Il peut également avoir des prières d'intercession où on expose les différentes requêtes de l'Église, de certains membres de l'Église. Et enfin, on finit par une prière pour clôturer le culte. Et dans la majeure partie des cas, les frères et sœurs ne prient pas tous en même temps. Il y a une seule personne qui prend la parole et toute l'assemblée se joint à la prière du frère ou de la sœur. Nous sommes comme un seul corps et celui qui prie dans la communauté est comme son porte-parole. L'assemblée est unie et s'accorde à la prière en disant « Amen » ensemble. La prière communautaire en fait, vraiment développe l'unité à l'Église. C'est un moment fort d'unité, car nous prions tous les mêmes paroles. Alors je vais dire quelque chose qui va peut-être vous sembler un peu exagéré. Je crois que la prière en communauté, c'est l'une des rares choses qui nous unit tous dans notre être entier, corps, âme et esprit. C'est l'un des rares moments où tout le monde, toute l'assemblée fait silence, ferme les yeux, pour être le plus concentré. Il peut arriver que quand on arrive au culte en retard, on salue discrètement notre voisin par politesse pendant la louange. Il peut arriver, lorsqu'on en arrive encore plus en retard, que l'on salue notre voisin pendant le message. Et ça arrive même des fois qu'on discute avec lui. Mais je pense que c'est rare de déranger son voisin pour le saluer ou pour lui parler, quand toute l'assemblée prie, parce que c'est un moment fort d'unité. La semaine dernière, Elisabeth nous a partagé sur la communion fraternelle. En fait, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, pardon, j'ai plus de mémoire. Elle a témoigné de son expérience dans une église internationale au Japon, et elle a souligné le caractère surnaturel de la communion fraternelle entre les frères et sœurs qui peuvent être d'horizons complètement différents. Il y a vraiment une joie en particulier quand nous nous retrouvons face à un inconnu qui partage la même foi que nous. Il y a un lien surnaturel qui nous unit. Et c'est la même chose lorsque nous participons à un culte, à une église inconnue. Nous pouvons ne connaître aucun membre de cette assemblée-là et pourtant se sentir comme un seul corps lors des prières communautaires. Et d'ailleurs, enfin, si pour vous, la seule église que vous avez fréquentée depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est que cette église-là. Moi, je vous invite de faire cette expérience-là. Vous pouvez aller dans un culte, dans une autre église. Alors évidemment, je ne vous dirai pas d'y aller si ça colle comme à la même heure que notre église, que le culte de notre église. Mais il y a des églises qui ont des cultes en semaine, décalés, le samedi, le vendredi, le mardi, le soir. Et vous pouvez faire cette expérience-là. Vous pouvez peut-être même participer à des sortes de conférences ou des événements inter-églises. Et c'est vraiment enrichissant en fait, d'être en contact avec des chrétiens d'autres églises qu'on ne connaît pas et de prier avec eux. On sent l'unité. Deuxième bienfait, c'est l'amour fraternel. Lorsque des frères et des sœurs se réunissent pour prier ensemble, c'est rarement pour que chacun prie dans son coin et pour des sujets personnels. Au culte ou en réunion de prière, nous adressons des prières pour rendre gloire à Dieu et aussi pour intercéder en faveur de l'Église ou en faveur de frères et de sœurs, de certains frères et sœurs. Et cela, en fait, ça peut sembler pas naturel, contre nature. Parce que ce qui est naturel, en fait, c'est d'être égoïste. Ce qui est naturel, c'est de prier en premier lieu, en priorité, pour nos requêtes personnelles. En communauté, nous nous réunissons pour prier en faveur de la communauté. Cela développe notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain, pour notre Église. Si vous avez l'habitude de participer aux réunions de prière, en fait, vous remarquerez qu'on insiste beaucoup sur l'intercession pour l'Église, on intercède pour l'Église, les groupes de jeunes, pour certains frères et sœurs qui vivent des épreuves difficiles. Les réunions de prière développent donc notre amour pour les membres de l'Église. Il y a également beaucoup de joie partagée lorsque on voit Dieu exaucer favorablement nos demandes pour un frère ou pour une sœur. La semaine dernière, après la réunion de prière, je discutais avec Elisabeth en lui disant que de la semaine prochaine, donc ce dimanche-là, je devais prier sur la prière en communauté, au culte. Je lui ai demandé, tu n'aurais pas un témoignage à me raconter, un truc croustillant, un truc de ouf qui s'est passé suite à une réunion de prière pour donner envie aux membres de participer aux réunions de prière, pour qu'il y ait plus de membres qui participent aux réunions de prière. Et elle m'a répondu, j'ai réfléchi cette semaine et je te dis dans la semaine. Et elle ne m'a rien dit, mais c'est pas grave. Et en fait, juste quelques minutes après cette discussion, il y a une sœur, alors je ne vous donne pas son prénom, qui vient me voir tout sourire et me dit, David, merci d'avoir prié pour moi. Alors moi, quand elle m'a dit ça, j'ai réfléchi, j'ai bugué. J'ai bugué parce que en fait, j'étais sorti de la réunion de prière. Et en effet, j'ai prié pour une sœur, mais pas pour elle. Donc je n'ai pas compris pourquoi elle vient me voir et elle me dit « Merci David d'avoir prié pour moi, Dieu m'a répondu. » Alors elle me dit mais David, mais tu sais, tu te souviens ou pas, en juin, on s'était réunis, tu avais proposé de prier pour moi, on a prié et Dieu a répondu quelques moments après. Elle avait un problème qui n'était pas résolu, qui durait depuis plus de 2 ans. Et Dieu lui a répondu favorablement 2 mois après notre prière en groupe. Et j'étais vraiment content pour elle. Alors je ne dis pas que c'est grâce à moi ou au fait de... Mais quand même, bon, elle voulait me remercier parce qu'elle trouvait que c'était important. Ce moment de prière était important. Et c'est pour ça que comme c'est tombé comme ça, je m'étais senti obligé de vous raconter ça ce dimanche. Alors... Troisième bienfait, l'édification de l'Église. Normalement, notre prière en communauté doit prendre sa source dans notre prière personnelle. On prie en communauté car on a l'habitude de prier en privé avec Dieu. D'ailleurs, c'est rare qu'une personne accepte de prier en communauté si elle n'a pas l'habitude de prier personnellement avec Dieu. Et la prière en communauté peut être une bénédiction pour notre croissance spirituelle. Par exemple, pour les jeunes convertis, la prière en communauté peut les aider à structurer et à développer leur manière de prier, leur vie de prière. Je vous donne un témoignage personnel. Quand j'étais petit, quand j'étais très jeune en primaire, en CE2, je me rappelais que je priais Dieu d'une manière fervente. Quand j'étais dans une grosse galère en classe de nature. Et en fait, à ce moment-là, j'allais à l'église, j'allais à l'école du dimanche, et je ne comprenais rien à l'école du dimanche, parce que tout était en chinois mandarin, les chants étaient en chinois, les prières étaient en chinois, les histoires bibliques étaient en chinois, et j'y allais et je dormais, et pour moi, même si je ne comprenais rien, je croyais en Dieu, et je priais. Mais pour moi, prier à ce moment-là, c'était uniquement pour exposer à Dieu mes besoins, mes requêtes, comme si c'était le Père Noël, comme si c'était un distributeur automatique qui donne ce qu'on veut. Et c'est seulement quand j'ai entendu des prières en français que j'ai compris en fait que quand on prie, il faut savoir remercier Dieu. Et ma première prière en communauté, c'était à l'école du dimanche, j'étais avec le grand frère de Angèle, c'était il y a longtemps, à Belleville. Ma première prière, elle était toute simple, c'était... Merci Dieu, Amen. Et le frère de Angèle me dit, ça y est, c'est fini. Enfin, il se moquait un peu de moi comme ça. Bon, j'étais tout rouge après. Bon, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi. Et c'est ensuite très tard au collège, en troisième au campus, que j'ai compris également que dans la prière, il fallait confesser ses péchés devant Dieu. Et c'est encore plus tard que j'ai compris que lorsque l'on prie, il faut rechercher, se soumettre à la volonté de Dieu. Prier en communauté, c'est édifiant pour notre foi, pour la foi du plus jeune comme du plus mature. Pour le plus jeune, il apprend les différents sujets de prière, comment structurer sa prière. Pour le plus mature, il peut toujours apprendre, être touché par le témoignage de vie, de prière personnelle. Je vous donne l'exemple d'un pasteur qui s'appelle Gilles Beaucoumont, qui est le pasteur de la partie francophone à Julien Lacroix, à Belleville. Avant d'être pasteur en France, il a été pasteur en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Et j'ai été surpris, enfin il a été surpris, j'avais entendu son témoignage, qui disait, quand il était en Afrique, de voir la conviction de l'Église en Afrique lorsqu'il priait la prière du Notre Père, surtout lorsqu'il priait « Donne-nous notre pain quotidien ». Parce que dans le contexte où ils étaient, et qu'ils demandaient à Dieu « Donne-nous notre pain quotidien », c'était vraiment une parole vitale. C'est-à-dire que dans leur contexte, il y avait beaucoup de membres de l'Église qui mouraient de faim. Et donc cette parole-là, cette prière-là, elle était déclarée avec beaucoup de ferveur. Et cela, ça l'édifiait, ça le touchait beaucoup. La prière en communauté communique notre foi, notre expérience avec Dieu. C'est un moyen d'édifier l'assemblée. On ne prie jamais de la même manière seul et à plusieurs. Techniquement, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire quand on prie seul, on peut être plus familier, des fois même grossier. Quand on prie en public, il faut faire attention à nos mots, que toute l'assemblée entende bien et surtout comprenne chaque mot. On ne va pas utiliser des mots qui ont un sens difficile. Par exemple, si vous allez à l'école du dimanche, normalement, les enfants prient, mais je pense que les moniteurs de l'école du dimanche emploient des mots plutôt simples, comme « Seigneur ». Enfin, je veux dire, ils utilisent des mots simples et pas des mots compliqués comme « Seigneur, sois sanctifié » ou « Pardonne nos iniquités ». Les enfants ne vont pas comprendre. Et c'est pareil lorsque l'on prie avec si on prie avec des non-croyants, on fait attention aux mots que l'on utilise, au vocabulaire qu'on utilise. On n'utilise pas des mots propres au vocabulaire chrétien. On n'utilise pas ce qu'on appelle le patois de Canaan. Employer par exemple les mots Dieu ou Jésus, c'est plus simple que toi l'agneau immolé, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et dans un culte, donc, on peut être touché, édifié par la louange, le message et aussi la prière. La prière en communauté, il faut faire également attention, parce que je pense qu'il y a des dangers. Je vous en montre deux. D'ailleurs, la première, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'orgueil. Prier en communauté, enfin, je veux dire, il ne faut pas prier en communauté pour se mettre en avant devant les gens. Dans Luc, chapitre 18, du verset 9 à 14, Jésus raconte la parabole du pharisien et du publicain. Alors, le publicain, c'est une personne qui travaille pour l'Empire romain et qui collecte des taxes pour l'Empire romain. Donc à ce moment-là, à cette époque-là, le publicain, c'était souvent, il était considéré comme un traître. Et donc Jésus raconte cette parabole du pharisien et du publicain. Jésus raconte que le pharisien priait debout à la vue de tous et s'élevait dans la prière en disant qu'il était parfait. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Alors que le publicain, lui, a une attitude complètement opposée. La Bible dit qu'il se tenait à distance, à l'écart des gens, et n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Et sa prière, elle est courte et humble. C'est une prière de repentance. Il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus conclut en disant que le publicain, lui, a été justifié, contrairement aux pharisiens. Il conclut en disant « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Lorsque l'on prie en communauté, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'hypocrisie. Ce serait louche si, devant tout le monde, on prie avec ferveur et que quand on est seul avec Dieu, on prie de manière froide. Notre adoration à l'église le dimanche devrait en fait exprimer ce que nous vivons tous les jours de la semaine. Ce serait fou si on prie davantage avec plus de foi, plus de ferveur, plus de persévérance le dimanche au culte ou en réunion de prière et que les autres jours de la semaine. C'est presque de l'hypocrisie, ou bien c'est peut-être une mauvaise compréhension de ce qu'est la prière. On peut imaginer, je vous donne un exemple. Imaginez, vous avez votre père qui fête son anniversaire. Peut-être il fête ses 50 ans, 60 ans ou 70 ans. Et pour cette occasion-là, il invite exceptionnellement plus de personnes que d'habitude. Et exceptionnellement, peut-être qu'il invite tout le monde au restaurant. Ça serait bizarre, en fait, si devant tous les invités, vous passez pour l'enfant hyper aimant, hyper affectueux, hyper respectueux de son père, qui prend des photos avec un grand sourire avec son papa devant le gâteau d'anniversaire, et que les autres jours, vous ne lui parlez pas, vous ne le respectez pas, vous n'êtes pas aimable avec lui, ou vous refusez de faire un simple selfie avec lui. En fait, ça ressemblerait à de l'hypocrisie. C'est un peu pareil pour la prière communautaire. Ou bien c'est juste, dans mon exemple, juste le fait de remplir le rôle d'une famille unie, car c'est important de garder la face, d'avoir une bonne réputation devant les gens. On parle de Mienz, Mietz, tout ça. Et ce serait dommage que ce trait culturel se produise dans notre Église. Alors je ne sais pas si on devrait ou pas refuser à toute personne, entre guillemets, éloignée de Dieu, de prier en public, de prier à l'Église. Je me souviens, j'avais discuté avec un frère il y a quelques années. C'est un frère que je respecte beaucoup, que je respecte toujours beaucoup. C'est un frère que j'admirais en fait. Pour moi, je le considérais comme un guerrier. Quand il priait, je me disais, lui, c'est vraiment un soldat de Dieu. C'est quelqu'un de fort, de fervent pour Dieu. Et en fait, il m'a avoué que quand il est seul chez lui, il se sent très faible. Parce qu'il vivait avec sa mère qui était psychologiquement très mal, presque dépressive. Et c'est vrai qu'une fois j'étais allé chez lui, et c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais il y avait une ambiance de mort chez lui. Et donc le frère était sincère, il n'était pas hypocrite. Et pour lui, en fait, se retrouver avec les frères et sœurs, vivre la communion fraternelle, la louange, la prière, avec les frères et sœurs, c'était sa plus grosse bouffée d'oxygène. L'Église, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus vivant dans son quotidien. C'est le lieu où il se rechargeait à fond dans son âme et son esprit. Alors, je me permets de vous poser des questions bizarres qui peuvent vous paraître étranges et que l'on peut se poser parfois. Pourquoi prier si Dieu ? Pourquoi prier si Dieu sait d'avance ce que je vais lui dire ? C'est vrai, Dieu sait d'avance tout ce que nous allons lui dire. Dieu est omniscient. En tant qu'homme, nous, créatures, on apprend et on découvre de plus en plus de choses de l'univers. On ne sait pas tout. On peut être surpris par la vie. On ne contrôle pas tout ce qui nous arrive dans notre quotidien. Mais heureusement, Dieu, lui, sait tout. En fait, rien ne lui échappe. Il n'est jamais pris par surprise. Il est au contrôle de tout. Il est omniscient et souverain. En fait, il ne demande pas qu'on lui prie parce qu'il manque de prières ou parce qu'il ne pourrait pas supporter de vivre sans nos prières. C'est pas ça. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes tous parents et vous proposez à votre enfant de regarder votre film Disney préféré que vous avez vu durant votre enfance. Alors j'ai fait une petite recherche. Le film le plus vu en France au cinéma est Blanche-Neige, 18 millions d'entrées en 1938. Alors peut-être que c'est votre film préféré, peut-être que c'est Le Roi Lion. Bon bref, c'est pas grave, mais je sais pas lequel c'est. Mais on a tous été touchés par un Disney, je pense. Et imaginez, vous dites à votre enfant, allez, regarde ce Disney. Et puis papa va travailler, maman va travailler. Et le soir, vous rentrez du travail, vous demandez à votre enfant s'il a vu le film Disney et s'il a aimé. Et à tous les coups, l'enfant va vous dire qu'il a aimé, et il va vous raconter l'histoire du film. Et en tant que parent, vous avez vu le film avant votre enfant, et vous le connaissez par cœur, car c'est votre film préféré. Mais quelle va être votre réaction par rapport à votre enfant ? Est-ce que vous allez l'interrompre en lui disant « Non mais ça va, tais-toi, je connais le film, je l'ai vu 100 fois avant toi, je connais les paroles, les répliques, tout ça, les chansons. » Non, vous n'allez pas lui dire ça, pourquoi ? Parce que le plus important, c'est pas qu'il vous raconte l'histoire du film, mais le plus important, c'est qu'il passe du temps avec vous. Et le temps que vous passez ensemble, ça développe l'amour l'un pour l'autre. Et dans la prière, nous vivons la même chose. Dieu connaît notre quotidien, nos pensées, notre volonté, nos motivations, nos craintes, nos besoins. Il sait ce que nous allons prier, mais il sait que le plus important, c'est le temps qu'on passe avec lui, car cela développe notre amour pour lui, notre dépendance, notre soumission. Dieu est amour, il nous aime, et lorsque nous tournons vers lui, nous le dérangeons jamais. Il est toujours prêt à nous écouter. Il faut savoir que ne pas prier Dieu, en fait, ça revient à ignorer Dieu. Et ignorer Dieu dans notre vie, c'est péché. On peut également se poser la question, pourquoi prier Dieu si Dieu n'exauce jamais ma volonté? Pourquoi prier Dieu si finalement Dieu ne réalise que sa propre volonté? Et en fait, la question de l'exaucement, elle est difficile à répondre. On ne peut pas donner une liste d'étapes à suivre pour être sûr que Dieu nous exauce. Personnellement, moi je remarque que Dieu m'exauce très rapidement quand je souhaite le servir, quand je souhaite le rendre gloire. Je vous donne un cas tout simple. Il y a quelques mois, c'était au mois de septembre, j'ai demandé à Danette que voilà, je voulais servir à l'accueil. Donc le premier dimanche du mois de septembre, première fois que je vais à l'accueil, il faisait beau. Moi, je voulais mettre une table dehors, à l'entrée. Je voulais mettre tous les boissons, les biscuits à l'entrée pour offrir tout ça aux passants. Et également saisir cette occasion-là pour offrir des évangiles, discuter avec les passants et pourquoi pas les inviter au culte. Et Danette, très gentille, elle a accepté. Et puis je voyais les gens, ils étaient contents. « Oh, vous faites ça dehors, oh, c'est sympa. » Mais moi, en fait, non, mais c'est pas pour vous, quoi. J'étais un peu... Moi, ce que j'attendais, c'est qu'ils s'en aillent et que j'accueille plutôt les gens que je ne connaissais pas, quoi, les passants. Et puis, je priais Dieu. « Seigneur, chasse ma timidité, donne-moi du courage, remplis-moi de ton esprit, parce que voilà, je fais ça pour toi. » Et dès que j'avais l'occasion, tac, je vois une famille passer. Je fais « Bonjour madame !» Je l'intercepte, je la salue. Et voilà, on se présente. Je lui dis « Voilà, nous sommes chrétiens, on est une église protestante. » Et elle me répond, moi aussi je suis protestante. Je fais, oh, truc de fou. Je me dis, comme par hasard, je demande à Dieu de m'aider. Et là, la première personne, c'est une personne chrétienne. Et je lui demande, ah, mais alors vous faites partie, vous êtes chrétienne, vous faites partie du quartier, vous êtes de l'église de l'autre côté de la rue de Paris, à Montreuil. Et là, elle me répond, non, pas du tout. Moi, je suis de l'église de Beaugrenelle. Et des fois, je vais à l'église de l'Étoile. Je réfléchis, mais en fait, c'est complètement à l'ouest de Paris, c'est dans le quartier des Champs-Élysées. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Et puis en fait, elle était là vraiment que de passage. Donc c'était une rencontre vraiment improbable d'avoir rencontré une chrétienne qui est des beaux quartiers et nous montrer. C'est aussi un beau quartier, mais c'est pas la même ambiance. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite très vite encouragé. Et j'ai remercié Dieu parce qu'après, j'ai commencé à saluer tous ceux qui passaient, à leur proposer... à boire, je souriais à toutes les voitures qui passaient. Et une sœur me dit hey, mais David, t'es vachement à l'aise. Et moi, je lui dis facile, quoi. C'est suffit juste de dire bonjour, en fait. Mais en fait, derrière, pour moi, c'est Dieu qui m'avait aidé par cette première rencontre-là, qui est une chrétienne. Alors, j'aurais aimé vous dire que j'ai distribué beaucoup de Bibles, mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai distribué des verres d'eau, du jus d'orange. Mais bon, je me dis que c'est un début. Donc je remarque chaque fois que je veux faire quelque chose pour Dieu, Dieu il intervient très très vite. Mais il faut avouer qu'il y a un mystère dans l'exaucement de Dieu, entre sa souveraineté et l'action de notre prière. Dieu est tout puissant et souverain. Il peut réaliser ses plans comme il le souhaite. Dans la Bible, nous voyons que Dieu souhaite faire participer l'homme à sa volonté. Dieu souhaite se servir de nos prières pour accomplir son plan. La souveraineté de Dieu, en fait, ça doit être plus pour nous un réconfort qu'une frustration. Je vous donne l'exemple de Frédéric. Moi, j'avais personnellement foi que Frédéric allait guérir. Je me disais que Frédéric, c'était un homme de Dieu, plein de projets pour Dieu, que c'était pas possible que Dieu le reprenne si vite. En fait, qu'il avait trop envie de faire avancer le royaume de Dieu. Et je ne faisais pas confiance au médecin. Je croyais que Dieu allait le guérir de manière miraculeuse. Et quand il est mort dans son appartement, j'étais là avec

Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ces temps de prière, parce que ce sont des temps bénis, où tous ensemble nous sommes unis à la prière. Tous ensemble nous formons un seul et même corps. Je te bénis pour ces temps de prière en communauté, parce que cela nous permet de développer notre amour pour toi, en premier, et également pour notre frère, notre sœur, pour notre Église. Seigneur, je te remercie parce que ces temps de prière nous permettent également d'être édifiés spirituellement, de savoir comment il est plus juste de te prier également, si nous démarrons dans la foi et nous ne savons pas comment prier. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous garder de certains pièges, ne pas tomber dans l'orgueil, ne pas vouloir prier pour se montrer devant les gens, se mettre en avant, ne pas prier de manière hypocrite, si nous ne le faisons même pas dans la semaine, dans la chambre la plus reculée, comme tu nous le dis. Seigneur, je prie pour que malgré que des fois nous te prions, nous souhaitons que tu nous exauces de manière favorable. Je te prie pour que tu puisses nous aider à te faire confiance, à croire que tout est dans tes mains, à croire que tu es souverain, à croire que tu réserves le meilleur pour nous et que tu réserves des plans, des choses qui nous dépassent complètement. Merci pour qui tu es. Bénis cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.